Chapitre 4. Les jours suivants, Madame Karzoff continua à étudier attentivement sa fille, mais celle-ci s'était fait un visage impénétrable. Dournov vint voir Jean à plusieurs reprises, sans affectation. Il passa la meilleure partie du temps de sa visite dans la chambre du jeune homme et ne fit qu'apparaître et disparaître dans le salon. Antonine l'accueillait comme par le passé, lui tendait la main, lui souriait, exactement comme s'il n'avait jamais été question de mariage entre eux. Les plus mal intentionnés n'auraient pu rien trouver à critiquer dans cette conduite, si bien que Madame Karzoff, se disant que le danger était écarté de ce côté, s'adonna entièrement aux préliminaires de la fête projetée. Pendant qu'elle faisait une tournée de visites préparatoires, elle recueillit nombre de compliments sur sa fille et pas mal d'ouvertures de la part des dames, aussi désireuses de placer un jeune célibataire que Madame Karzoff pouvait l'être de placer Antonine. Entre demandeurs et offrants, les choses finissent toujours par s'arranger. Cette grande comédie que donnent incessamment aux désintéressés les faiseurs de mariage a des hauts et des bas, comme toutes les représentations de ce monde. Il y a des moments où il se trouve sur le marché plus de célibataires que de jeunes filles. D'autres, et c'est le cas le plus fréquent, où les demoiselles sont offertes en grande quantité et les célibataires peu nombreux. Le grand talent, en telle occurrence, est de garder sa... Comment dire cela, assembler ces personnes? Il s'agit d'acheter, en tout cas, si l'on ne peut supposer qu'il s'agisse de vendre. Le talent est donc de garder sa marchandise en magasin aussi longtemps qu'elle n'est pas demandée sur la place. On a vu de très beaux mariages, ce qu'on appelle des mariages avantageux, se conclure en 24 heures parce qu'un ambassadeur avait besoin d'une ambassadrice pour lui aider à représenter la République au Monomopota. On a vu aussi des célibataires immariables et abandonnés des marieuses les plus habiles trouver femme sans coup férir. C'est qu'ils avaient choisi le bon moment, ce qui est en toute chose le premier point. Lorsque Mme Karzoff se mit en campagne pour marier Antonine, il s'était fait une grande razzia de demoiselles à la Noël précédente, et ceux qui n'avaient pas pris leurs précautions d'avance étaient restés célibataires comme devant. La bonne dame reçut donc des compliments extraordinaires sur le mérite, la beauté, l'intelligence, etc., etc., de sa fille, et dans les 6 maisons qu'elle parcourut le premier jour de sa tournée, elle trouva 4 prétendants, non pas que tous les 4 eussent témoigné un désir particulier d'épouser Antonine, mais il y avait 4 messieurs disposés à épouser une jolie femme avec une jolie dot, ou même une jolie dot, sans faire d'une jolie femme un complément indispensable. Madame Karzoff sourit et rentra au logis triomphante et la tête haute. « Puisqu'il en est ainsi, dit-elle à son mari au premier moment de tête à tête, nous les inviterons tous, et nous serons très difficiles dans notre choix. Nous avons droit à la fleur du panier. » Le second jour fut plus favorable encore que le premier, car il se rencontra parmi les victimes immolées à l'orgueil maternel de Madame Karzoff, quelqu'un qui avait vu, positivement vu Antonine, et qui l'a demandé personnellement, oui, personnellement, non pas une personne bien élevée avec un petit capital, mais Mademoiselle Karzoff elle-même, telle qu'elle était. Madame Karzoff gagna sur le champ un pouce en hauteur. Le lecteur se tromperait, et nous serions bien malheureux de cette erreur s'il se figurait qu'en Russie l'on traite ces questions directement. Ce serait de la première grossièreté. Tout au plus cela se passe-t-il chez les marchands. Dans la classe intelligente et civilisée des employés de mi-supérieur, les choses vont tout autrement. Madame Karzoff abordait ainsi ses bonnes amies. « Bonjour, chère Anastasie Petrovna. Mon Dieu, qu'il s'est écoulé de temps depuis que j'ai eu le plaisir de vous voir. Il y a au moins 6 semaines. J'aurais dû aller vous rendre visite, mais du tout, c'est moi qui vous devais une visite. Vous croyez? Tant mieux, cela me rassure. » Mais nous ne comptons pas les visites, n'est-ce pas, entre nous? Eh bien, quoi de neuf en ce monde? Mais pas grand-chose. Les Moreaux font marier leur fils, vous savez. Oui, oui, c'est de l'histoire ancienne. Et votre jolie Antonine, quand la mariez-vous? Oh, nous ne sommes pas pressés, Dieu merci. Nous n'en sommes pas embarrassés. Une enfant si douce, si aimante. Telle que vous la voyez, elle ne m'a pas donné une heure de chagrin dans toute sa vie. Je ne crois pas lui avoir jamais adressé un mot de reproche. Que vous êtes heureuse, ma bonne amie. Je n'ai pas eu tant de bonheur avec mes filles. Elles sont toutes mariées à présent, je puis le dire. Elles m'ont donné beaucoup de mal pour leur éducation. Mais dans le temps, je parlais comme vous. » Les deux mères se mettent à rire de concert, mais il y en a une qui rit jaune. « Nous voulons donner un bal la semaine prochaine, » reprend Madame Karzoff d'un air un peu pincé. « Connaîtriez-vous quelques gentils garçons, des messieurs bien élevés, qui voudraient danser chez nous ?»« Chez vous, je crois bien. » »« Vous trouverez toujours bien autant de cavaliers que vous en pourrez désirer. »« Une maison où l'on s'amuse tant. » »« Je vous amènerai Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur Z, etc. »« Mais si vous ne voulez pas marier Antonine cette année, je ne vous amènerai pas Monsieur Titoloff. » « Et pourquoi, ma chère amie ?»« Parce qu'il est amoureux fou de votre charmante fille. Il l'a vue au dernier bal de l'Assemblée de la Noblesse et il a cherché toute la soirée quelqu'un pour se faire présenter. Malheureusement, je n'étais pas là. Et s'il a trouvé nombre de jeunes gens pour lui parler de vous et de votre famille, il n'en a pas rencontré d'assez sérieux pour qu'il le prît comme chaperon. Et quelle idée ? On se fait présenter tout de même. Quel homme timide que votre monsieur Titoloff, quel âge a-t-il ? Environ 35 ans, je crois. Il a déjà le grade de général civil et la croix de Sainte-Anne. Comme mon mari, s'écrie ici Madame Karzoff. Si jeune, a-t-il de la fortune ? Il n'est pas millionnaire, mais il doit avoir 3 000 roubles environ de revenus, ce qui, avec les appointements de sa place, lui fait à peu près 6 000 roubles. Ce n'est pas à dédaigner, dit Madame Karzoff d'un air sérieux. Mon Dieu, que de prétendants ! Nous n'en manquerons pas, à coup sûr. Depuis 8 jours, on m'en a proposé plus d'une douzaine. C'est ainsi que se font les mariages, pas tous, heureusement, à la plus grande gloire des mères de famille. On a cru remarquer que celles qui ont le plus mal marié leurs propres enfants sont les plus acharnées à conclure des unions pour les autres. Mais on a pu s'assurer si c'est l'esprit de vengeance qui les anime ou quelque autre sentiment.